après la grande victoire éclatante, une petite ville devient chute. Car un seul cœur désobéissant peut troubler la marche d'une multitude. Les soldats reculent, aïe, l'incompréhension gagne le camp. Pourquoi l'échec après la promesse? Pourquoi la défaite après l'élan? Tu révèles que la défaite extérieure cache une rupture intérieure. Montre-nous ce qui est caché, même ce que nous ne voulons pas voir. Car la victoire se perd en silence quand le péché vit dans le noir. Montre-nous ce qui est caché, nettoie nos tentes et nos cœurs. Car tu veux une victoire entière, pas que l'homme garde en long finit toujours par parler au grand jour. La paix revient après la vérité, même au prix de l'humiliation. Car tu préfères une onde passagère à une défaite sans restauration.